Le rassemblement commémoratif du 40e anniversaire de l'inspection de la province du Gangwon par le président Kim Il-sung a eu lieu le 30 octobre en présence des cadres et des habitants de la province. L'orateur a dit que Kim Il-sung a inspecté depuis la fin d'octobre jusqu'au début de novembre de l'an 65 du JT 1976 les domaines industriels, agricoles et halieutiques et d'autres secteurs de la province pour indiquer la voie à suivre et les moyens pour le Gangwon. Soulignant que son inspection historique a occasionné un tournant faisant date pour le développement de tous les secteurs provinciaux et l'amélioration de la vie de la population, il a énuméré des réalisations obtenues pendant ces 40 dernières années.